بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. لون شاء الله ستنويت 8 أفريل 2020 correspond à la nuit du 16 Shaban 1441. Nous nous retrouvons autour de l'étude du livre du jeûne dans Umdat al-Ahkam. Et nous prenons cette étude avec l'interprétation et l'explication du Cheikh Al-Uthaymeen rahmatullah alayhi, Tanbih al-Afham. Et nous sommes dans le chapitre du jeûne. Et dans le hadith السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يصوم كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان. Et donc avec le sixième hadith du chapitre du de le rattrapage, c'est un hadith qui concerne le rattrapage du jeûne. C'est le sixième hadith dans le chapitre du jeûne lors du voyage, et c'est le 186e hadith dans le livre de Umdat al-Ahkam. Aïcha a dit, je devais m'acquitter des jours de jeûne que je n'avais pas pu jeûner durant Ramadan, et je ne pouvais le faire que pendant Sha'ban. Mawdou al-Hadith, hukm ta'khiri qada'i Ramadan. Le sujet du hadith, le statut de retarder le rattrapage du jeûne de Ramadan jusqu'à Sha'ban. كان فعل ماضي ناقص واسمها ضمير الشأن أما خبرها فهو جملة يكون علي الصوم فما أستطيع فما أقدر أن أقضيه أن أصومه قضاء. الشرح الإجمالي يقول الشيخ رحمه الله تخبر عائشة رضي الله عنها أنه كان يكون عليها الصوم من رمضان تفطره للعذر من حيض أو غيره فتؤخر إلى شعبان ثم تصومه قبل رمضان الثاني، وقد بينت عذرها في ذلك أنها لا تستطيع القضاء بيسر وسهولة إلا في شعبان حيث لا بد من القضاء حينئذ. Donc le sens général du hadith, Aïcha annonce qu'il devait s'acquitter des jours de jeûne qu'il n'a pas pu jeûner durant le mois de Ramadan pour une excuse valable, les menstrues ou autres. Et il retardait le rattrapage jusqu'au mois de Sha'ban suivant. Mais ils sont acquittés avant l'entrée de Ramadan. Aïcha a montré son excuse comme quoi il ne pouvait s'en acquitter avec aisance et facilité qu'en Sha'ban, car il est obligatoire de s'en acquitter à ce moment-là. فوائد الحديث أولا جواز تأخير قضاء صوم رمضان إلى شعبان. ثانيا إن الأولى المبادرة بالقضاء، لأن عائشة اعتذرت عن التأخير بكونها لا تستطيع. Donc les leçons du hadith, la première leçon étant la permission de retarder le rattrapage des jours de jeûne qu'on a manqué durant Ramadan jusqu'au mois de Sha'ban suivant. La deuxième leçon, إن الأولى بالمبادرة بالقضاء لأن عائشة اعتذرت عن التأخير بكونها لا تستطيع. La deuxième leçon à retenir du hadith, il est préférable de s'en presser, de s'en acquitter, car Aïcha radiyallahu anha a présenté l'excuse concernant son retard qui est qu'il ne pouvait pas le faire avant. رابعا الاعتذار من فعل خلاف الأولى لدفع التهمة عن نفسه ولئلا يقتدى به. La quatrième leçon, la troisième leçon, تحريم القضاء تحريم تأخير القضاء إلى رمضان الثاني لأن عائشة جعلت شعبان هو الغاية. La troisième leçon, il est interdit de retarder le rattrapage jusqu'à Ramadan suivant. C'est-à-dire, on rentre dans Ramadan, On n'a pas le droit de rentrer dans Ramadan sans s'être acquitté des jours non jeûnés lors du Ramadan précédent. Car Aïcha montre que la limite du rattrapage étant le mois de Shaban. La quatrième leçon, al-i'tidar min fi'li khilaf al-awla li daf'i at-tuhmati 'an nafsi wa lillahi yuqtada bih. La quatrième leçon dans ce hadith, s'excuser de n'avoir pas fait ce qui est préférable et ce qui est mieux pour repousser les accusations et qu'on ne prenne pas la personne comme modèle. Comme il a fait Aïcha radiallahu anha, il a présenté ses excuses comme quoi il ne pouvait pas. الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه وأخرجه أبو داود وقال هذا في النذر وهو قول أحمد بن حنبل رحمة الله على أئمة المسلمين. Le septième hadith qui est le 187e hadith dans عمدة الأحكام selon عائشة رضي الله عنها le prophète a dit celui qui meurt alors qu'il devait s'acquitter de jours de jeûne, son proche parent doit s'en acquitter. Et les proches, il est voulu avec les héritiers, car c'est eux les plus proches. Le موضوع الحديث حكم قضاء الصوم الواجب على الميت عنه. Le sujet du hadith, le statut de rattraper le jeûne obligatoire d'un défunt. شرح الكلمات من مات من شرطية أي أي إنسان مات والموت فقد الحياة وعليه صيام أي وفي ذمته صيام واجب والجملة حال من فعل مات حال من فاعل مات صام جواب الشرط وهي خبرية بمعنى الأمر أي فليصوم وليه قريبه والوارث أولى القرابة به النذر أي إيجاب المكلف على نفسه عبادة لله تعالى. الشرح الإجمالي تخبر عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر ولي من مات وفي ذمته صوم مفروض من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان بأن يصوم عنه لأنه دين عليه وقريبه أولى الناس بقضائه عنه لأنه إحسان إليه وبر وصلة. Le sens général du hadith, Aïcha annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux proches, c'est-à-dire les proches et en priorité ceux, les héritiers, il a ordonné aux proches de celui qui est mort alors que celui-ci devait s'acquitter d'une obligation, d'un jeûne obligatoire qu'il s'est imposé par un vœu ou une expiation ou un rattrapage de Ramadan, que le tuteur, l'héritier ou le plus proche doit jeûner pour lui car c'est une dette et le proche héritier est prioritaire à le faire. Car c'est une bienfaisance pour le mort et c'est un entretien de la relation familiale et c'est un bien et une piété. فوائد الحديث قال رحمه الله أمر القريب بقضاء الصوم الواجب على قريبه إذا مات قبل فعله وإذا لم يصوم القريب عن الميت فإنه يطعم عنه من تركته لكل يوم مسكين فإن لم يكن له تركة وتبرع أحد بالإطعام عنه أجزى وإن لم تبرع أحد عنه فأمره إلى الله تعالى. Donc la première leçon à retenir ici, l'ordre aux proches de s'acquitter du jeûne obligatoire pour son proche s'il est mort sans l'avoir accompli. Et si le proche ne jeûne pas pour le proche, si le proche ne jeûne pas pour son proche qui est mort, qu'il sort une expiation en nourriture de ce qu'a laissé le défunt, c'est-à-dire il sort une expiation en nourriture de l'argent, de la fortune qu'a laissé le défunt pour chaque jour, la nourriture d'un mendiant. Et si le défunt n'a rien laissé, c'est quelqu'un contribue au nourrissant un pauvre par jour, cela est valable. Et si personne ne le fait, la situation des morts appartient à Allah Azza wa Jal. Taniyan, أنه لا فرق بين كون الصوم واجبا بالشرع كصوم رمضان أو واجبا بالنذر لعموم الحديث. Deuxième leçon à retenir, il n'y a aucune différence entre le fait que le jeûne soit obligatoire par la législation, comme le jeûne de Ramadan, ou qu'il soit obligatoire par un vœu à cause du sens général du hadith. الدرس الثالث إذا تعدد الأولياء صاموا جميعا حتى إنهما على الميت. La troisième leçon, si les héritiers sont nombreux, ils jeûnent jusqu'à ce qu'ils terminent le crédit du mort. C'est-à-dire ils partagent les heures du jeûne. S'il y a un mois, s'ils sont cinq, chacun jeûne six heures, six jours ou autre, hein, ainsi de suite. Ils partagent cette dette entre eux. رابعا أنه إذا مات قبل التمكن من القضاء لم يصم الولي عنه لسقوطه عنه بعدم التمكين. Hein? La quatrième leçon, c'est il meurt avant d'avoir eu la possibilité de s'en acquitter, le proche n'a pas à jeûner pour lui, car il ne le doit pas, à cause du fait qu'il n'a pas eu la possibilité de le faire. خامسا أن القريب لا يقضي صوم التطوع عن ميته. La cinquième leçon, le proche n'a pas à rattraper le jeûne surrogatoire pour son proche qui est mort. الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيها عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان على أمك دين كنت تقاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال رأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. الويتيام حديث dans ce chapitre, le 188e حديث dans le livre de l'Umda. Selon Abdullah ibn Abbas, un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: « Ô messager d'Allah, ma mère est morte en ayant un mois de jeûne à rattraper. Dois-je m'en acquitter à sa place ?» Le prophète lui dit: « Si ta mère avait une dette, t'en acquitterais-tu à sa place ?» L'homme répondit: « Oui. » Le prophète lui dit: « La dette d'Allah est plus à même d'être réglée. » Dans une autre version du hadith, une femme est venue vers le prophète et lui a dit: « Ô messager d'Allah, ma mère est morte en ayant fait le vœu de jeûner. Dois-je l'accomplir à sa place ?» Le prophète lui a dit: « Si ta mère avait une dette, t'en acquitterais-tu à sa place ?» La femme répondit: « Oui. » Le prophète lui a dit: « Jeûne donc à la place de ta mère. » موضوع الحديث حكم قضاء صوم النذر عن الميت. Le sujet du hadith, le statut de s'acquitter du vœu du jeûne du défunt qu'il n'a pas fait. Le défunt a fait un vœu pour jeûner, il ne l'a pas accompli. Donc c'est quoi le statut pour son tuteur? Qu'est-ce qu'il doit faire? شرح الكلمات رجل معين أمي غير معين أيضا وعليها وفي ذمتها صوم شهر لم يبين هل هو رمضان أو غيره أقضيه أفاصومه قضاء دين حق واجب لآدمي قاضيه مؤديا له أداء يقضي عنه نعم حرف جواب لتقرير المسؤول عنه دين الله حقه الواجب له أحق أولى وأجدر أن يقضى أن يؤدى وفي رواية أي لبعض الرواة، والظاهر أنها قصة أخرى، امرأة غير معينة، أمي غير معينة أيضا، صوم نذر، صوم واجب بنذر ولم يعين مقداره. أرأيت أي أخبريني، وأصله استفهام عن الرؤية لطلب الإخبار بما رأى، يؤدي عنها يخرج عنها. فصومي الفاء للتفريع، والأمر يحتمل أن يكون للإباحة لأنه في جواب السؤال عن الجواز، ويحتمل أن يكون للطلب لأن الولي مأمور بالصوم عن وليه إذا مات وعليه صيام. الشرح الإجمالي يخبر ابن عباس رضي الله عنهما عن قضيتين سئل عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية الأولى أن امرأة ماتت وعليها صوم شهر، جاء ابنها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يقضي ذلك الصوم عن أمه، ومن حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له مثلا بين يدي الجواب عن سؤاله ليقتنع به، فسأله لو كان على أمه دين لآدمي فأوفاه إياه أيقضي ذلك عنها وتبرأ به ذمة الميت؟ فأجاب الرجل بالإيجاب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن دين الله تعالى أولى وأجدر بالقضاء لعظم حقه تعالى وسعة عفوه. القضية الثانية أن امرأة ماتت وقد نذرت أن تصوم فلم تصوم، فجاءت ابنتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله هل تصوم عن أمها ذلك الصوم، فضرب لها المثل الذي ضربه للرجل في القضية السابقة فأجابت بالإيجاب، فعندئذ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم عن أمها. دونك le sens du hadith, le sens général du hadith, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu arda, nous annonce deux situations exposées au messager alayhi salatu salam. La première, une femme est morte alors qu'il devait jeûner un mois. Son fils est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il doit jeûner pour elle. Le prophète lui a donné un exemple qui montre la bonne manière dans l'enseignement du messager alayhi salatu salam. L'exemple qu'il lui a fait en guise de réponse à sa question pour que l'homme soit convaincu. Le prophète lui a dit, si ta mère devait quelque chose à un être humain, est-ce que tu t'en acquitterais pour elle, pour la décharger de ce droit? L'homme a dit oui, et le prophète d'Allah lui a expliqué que la dette vis-à-vis d'Allah est plus à même d'être réglée, car le droit d'Allah est immense, ainsi que son pardon, subhanahu wa ta'ala. La deuxième situation, une femme est morte, alors qu'il avait fait le vœu de jeûner, il n'a pas pu le faire. Sa fille est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui demander ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit jeûner pour sa mère ou pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait le même exemple qu'il a fait à l'homme. La femme a répondu oui. À ce moment-là, le messager alayhi salatu wassalam lui a dit « Jeûne pour ta mère ». فوائد الحديث. الفائدة الأولى حرص الصحابة على العلم ليعبدوا الله على بصيرة. La première leçon à retenir de ce hadith, le désir ardent des compagnons d'apprendre pour adorer Allah avec clairvoyance. C'est d'où l'obligation de le suivre, ridwanullah alayhim. ثانيا جواز قضاء الصوم الواجب على الميت. Deuxième leçon, il est permis de s'acquitter du jeûne obligatoire pour le mort. ثالثا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. Troisièmement, la bonne manière de l'enseignement du prophète عليه الصلاة والسلام. رابعا أن من حسن التعليم ضرب الأمثال المحسوسة التي يعقل بها المعنى وتنجلي بها الأحكام. Quatrième leçon, parmi les bonnes manières de l'enseignement, c'est de donner des exemples concrets pour atteindre la meilleure compréhension des lois. Et pour que les lois soient très claires dans l'esprit de celui qui les reçoit. Khamisan, anna al-qiyas dalilun shar'i tathbutu bihi al-ahkam. Cinquième leçon, l'analogie est une preuve législative avec laquelle les lois sont confirmées. سادسا أنه جاء جاز قضاء دين الآدمي عن الميت فدين الله تعالى أولى أن يقضى عنه. Sixième leçon, il est permis de s'acquitter de la dette de l'humain. Celle d'Allah est plus à même d'être réglée. Celle d'Allah est prioritaire encore. ونأتي إلى الحديث التاسع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. سهل بن سعد الساعدي دون سنبيم حديث أدي Le messager d'Allah a dit, les gens ne cesseront d'être dans le bien tant qu'il se hâte à rompre le jeûne. Rawi, huwa Sahl ibn Sa'd, ibn Malik al-Ansar al-Khazraji, radiyallahu anhu, kana ismuhu Hazanan, fasammahu al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Sahlan, wa kana umruhu hina tufiya al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam 15 sana, wa aasha hatta tufiya fi al-Madinati sanati 91. وكان من مشاهير الصحابة وهو آخر من توفي منهم في المدينة على قول بعض المحدثين. Le transmetteur du hadith ici, c'est Sahl ibn Sa'd ibn Malik l'Ansari l'Khazraji. Son nom était Hazan, c'est-à-dire tristesse. Le prophète lui a changé au Sahl. À la mort du prophète alayhi salam, Sahl avait 15 ans et il a vécu à Médine jusqu'à l'âge de 91 ans. Il a vécu à Médine jusqu'à l'an 91 de l'Hégire. Il était réputé parmi les compagnons. C'était un compagnon qui était réputé. Selon certains savants du hadith, ça serait le dernier compagnon mort à Médine. موضوع الحديث حكم التعجيل بالإفطار. Le sujet du hadith, la rupture du jeûne juste après le coucher du soleil, c'est-à-dire le statut de hâter la rupture du jeûne. شرح الكلمات الناس أي الصائمون بخير أي في خير أي فضل في الدين والخير أعلى الحالين من كل شيء مطلوب. ما عجلوا ما مصدرية ظرفية فتحول الجملة هكذا مدة تعجيلهم أي مبادرتهم الفطر أي الإفطار بعد غروب الشمس. الشرح الإجمالي الخير كله في اتباع الشرع والتقيد به من دون مغالاة ولا تفريط. وفي هذا الحديث يخبر سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الناس يستمرون في الخير والصلاح في دينهم إذا تقيدوا بالحدود الشرعية في صومهم وفطرهم فبادروا بالإفطار بعد الغروب الذي هو الحد للصيام كما قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل والليل يدخل بغروب الشمس. Donc le sens général du 9e hadith, tout le bien et dans le fait de suivre la législation et de se conditionner avec la législation sans exagération et sans laxisme. Dans ce hadith, Sahl ibn Sa'd annonce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aux gens qu'ils seront dans le bien, dans leur vie et dans leur religion s'ils se conditionnent avec les limites de la législation dans leur jeûne et dans la rupture du jeûne et s'ils se hâtent de rompre le jeûne au coucher du soleil qui est la fin et la limite du jeûne de la journée et qui est le début de la nuit. Le début de la nuit, c'est le coucher du soleil. Comme il est dit dans le verset que Cheikh il a cité, la traduction approximative nous dit ceci, et puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, c'est-à-dire jusqu'au coucher du soleil. La nuit débute avec le coucher du soleil. فوائد الحديث أن الخير كل الخير في التقييد بالحدود الشرعية. Donc les leçons du hadith, la première leçon, tout tout le bien et dans le fait de se conditionner avec les limites de la législation. Il s'arrêtait là où on nous arrête la législation. Taniyan, targhib as-sa'im fi at-ta'jil bil iftar ba'da ghurub ash-shams mubasharatan. La deuxième leçon, l'incitation du jeûneur à se hâter à rompre le jeûne dès le coucher du soleil. Rabi'an, anna ta'khir al-iftar sababun li naz'i al-khayr min an-nas. La quatrième leçon, retarder la rupture du jeûne est la cause de la disparition du bien chez les gens. Khamizan, mahabbatullah lil-yusri ala ibadihi, li'anna ta'jil al-iftar min al-yusri alayhim. La cinquième leçon, Allah aime la facilité pour ses serviteurs, car se hâter à rompre le jeûne est une facilité pour les gens. Cheikh al-Bissam, rahimahullah, a dit, ce hadith représente un des miracles du prophète alayhi salam, dans le sens où ceux qui retardent la rupture des jeûnes, ce sont rawafid dans lesquels il n'y a aucun bien. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de ses saintes miséricordes. Le hadith al-ashir. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. Le dixième hadith, qui est le 190e hadith dans Umdat al-Ahkam, Omar ibn al-Khattab a dit que le messager d'Allah a dit, lorsque la nuit arrive par là, c'est-à-dire par l'est, et que le jour part dans l'autre sens, c'est-à-dire vers l'ouest, c'est le moment de la rupture. Hein? C'est le moment de la rupture du jeûne, où le jeûneur doit rompre son jeûne. Mawdou' al-hadith, mata yuftiru as-sa'im. Le sujet du hadith, quand le jeûneur doit rompre son jeûne. Sharh al-kalimat, aqbala al-layl, bana dhalamu, min ha-huna, ay min al-mashriq, adbara al-nahar, ولا ضياؤه من ها هنا أي من المغرب. أفطر الصائم حل له الفطر أو أفطر حكما وانتهى وقت صيامه أو الجملة خبرية بمعنى الأمر أي فليفطر. الشرح الإجمالي يخبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين علامات الوقت الذي يفطر فيه الصائم، وهي ثلاث علامات متلازمة: إقبال الليل من المشرق، وإدبار النهار من المغرب، وغروب الشمس. وأصل هذه العلامات غروب الشمس، لأن به دخول الليل الذي جعله الله تعالى غاية لإتمام الصوم. لكن تبين الليل من المشرق وانصراف النهار من المغرب دليل عليه وتابع له. دونك le sens général du hadith, le prince des croyants Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه annonce que le prophète a montré les signes du moment de la rupture du jeûne par le jeûneur. Et ce sont trois signes inséparables. L'arrivée de la nuit de l'est et le départ du jour vers l'ouest. Et le coucher de soleil. Et la base de ces signes, c'est le coucher de soleil. Car avec le coucher du soleil, débute la nuit. Et c'est ce qu'Allah a instauré comme limite pour la fin du jeûne. Et le fait que la nuit arrive de l'est et que le jour part vers l'ouest, ce sont des signes du coucher du soleil qui en découlent. Qui découlent et qui suivent le coucher de soleil. Et qui suivent le coucher de soleil. فوائد الحديث حلول وقت الإفطار بغروب الشمس وإن كان ضياء النهار باقيا. La première des leçons à retenir ici, la rupture du jeûne, c'est le coucher du soleil, même s'il reste encore les lueurs de la lumière du jour. Une fois que le soleil est complètement couché, c'est le temps de la rupture du jeûne. ثانيا طلب المبادرة بالفطر من حين حلول وقته. Deuxième leçon, il est demandé de rompre le jeûne dès le début de son temps. C'est-à-dire dès le début de la rupture du jeûne. C'est-à-dire au moment où se couche le soleil, où il disparaît complètement. خلاص. يقول الشيخ رحمه الله تنبيه يقول لم أجد في نسخ العمدة التي بيدي ذكر العلامة الثالثة التي هي الأصل وهي غروب الشمس مع أن موجودة في البخاري ومسلم بلفظ البخاري إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ولفظ مسلم نحوه ولعلها أسقطت من الكتاب أو الطابع. Et Cheikh, il attire notre attention sur un point. Ici, il dit, je n'ai pas trouvé dans l'exemplaire de l'Umda, de l'Umda al-Hakam que j'ai entre les mains, la citation du troisième signe qui est la base et l'origine de la rupture du jeûne qui est le coucher de soleil. Il dit, pourtant, il existe chez le Bukhari et chez le Muslim, l'expression du Bukhari dit ceci, quand la nuit arrive de là et que le jour part vers là, et que le soleil s'est couché, c'est le moment de, où le jeûneur doit rompre son jeûne. Et l'expression du musulman est identique. Il dit peut-être qu'il a été oublié par l'imprimeur ou autre. Voilà le hadith al-hadi ashar. An Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا إنك تواصل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. Donc le 11e hadith dans ce chapitre, selon Abdullah ibn Omar, le messager d'Allah a interdit le jeûne continu, c'est-à-dire de jeûner deux jours sans rupture. Ils ont dit au messager d'Allah, mais toi tu le pratiques. Il leur a dit, je ne suis pas comme vous, on me nourrit et on m'abreuve. Je ne suis pas comme vous, on me nourrit et on m'abreuve. Abu Huraira et Aisha et Anas ont rapporté aussi ce hadith. Et dans la version d'Abu Saïd al-Khudri, que celui, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui souhaite prolonger son jeûne, qu'il le fasse jusqu'à Sahar, c'est-à-dire qu'il le fasse jusqu'au dernier moment de la nuit, on prend Sahur. Hein? C'est-à-dire, hein, qu'il peut, hein, retarder sa rupture du jeûne jusqu'au moment de prendre son Sahur, hein, une demi-heure avant l'appel à l'aube, avant l'apparition de l'aube véridique, ou un quart d'heure avant, etc., jusqu'à la fin. Hein? Ça, c'est l'autorisation qu'a donné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Pour celui qui, il a dit, celui qui veut faire le jeûne continu, qu'il fasse tout simplement jusqu'à Sahar. Mawdou'u al-hadith, hukmu al-wisali fi al-sawm. Donc le sujet du hadith, le statut du jeûne continu, non-stop, deux jours ou plus. شرح الكلمات نهى النهي طلب الترك ممن دون الطالب. الوصال, وصال الصائم بين يومين لا يفطر في الليل. قالوا أي الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تواصل, جملة تعليلية لوصالهم, أي إننا واصلنا لأنك تواصل وأنت أسوتنا. كهيئتكم كصفتكم, إني أطعم وأسقى, جملة تعليلية لبيان الفرق بينهم وبينه, والمانع من الأسوة فيه والمطعم المسقي. والمطعم والمانع من الأسوة فيه والمطعم المسقي له هو الله تعالى, والمراد بالطعم والسقي ما يعطيه الله تعالى له من قوة الطاعم والشارب لاستغناء عن الطعام والشراب بما في قلبه من ذكر الله تعالى والأنس بمناجاته. ورواه أي النهي عن الوصال بألفاظ متقاربة أراد أحب فليواصل اللام للأمر والمراد به الإباحة السحر آخر الليل. الشرح الإجمالي يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصل المرء صوم يومه بيوم بحيث لا يتناول الطعام والشراب في الليل وذلك لما فيه من إنهاك البدن وإحداث الملل. فقال الصحابة رضي الله عنهم إنك تواصل ونحن نواصل تأسيا بك. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الفارق بينه وبينهم وهو أن الله تعالى يطعمه ويسقيه فلا يتأثر بالوصال وليس ذلك الأمر بحاصل لهم. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن أحب الوصال أن يواصل إلى السحر فقط ثم يتصحر لليوم التالي لأن غاية ما في ذلك تأخير الأكل والشرب إلى آخر الليل وهذا لا يوجب المحذور الذي من أجله نهى عن الوصال. دونك لسون جنرال دو حديث عبد الله بن عمر الله سبحانه وتعالى يزكري توس annonce que le prophète a interdit que l'on fasse un jeûne continu de 2 jours sans rupture de sorte que la personne ne mange pas et ne boit pas la nuit car cela détériore les corps et cause la lassitude et faiblit la personne. Les compagnons ont dit mais toi tu le fais ya Rasulallah et nous ne le faisons car on te prend comme modèle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, il leur a montré la différence qu'il y a entre eux, la différence qu'il y a entre le prophète et eux. Il leur a dit, c'est qu'Allah le nourrit, l'abreuve. C'est qu'Allah le nourrit et l'abreuve. Hein? Les hommes de science disent que cette expression veut dire que il n'a pas besoin de nourriture par la force que prodigue l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala à son cœur. Hada, c'est une des explications qu'ont donné les hommes de science à cette expression. Comme il l'a cité Cheikh Al-Uthaymeen ici. Wa na'ti ila fawa'id al-hadith. Awalan, an-nahyu 'an al-wisam fi as-sawm lima fihi min ad-darr al-hasil wal-mutawaqqa'. La première leçon à retenir de ce hadith, la rupture du jeûne l'interdiction du jeûne continue car il y a un mal qui en découle pour le jeûneur. Hein? Il y a un mal qui va en découler et qui va en découler pour le jeûneur. Donc, d'où l'interdiction du jeûne continue. الفائدة الثانية جواز الوصال إلى السحر إلى السحر لمن أحب ذلك. La deuxième leçon qu'il faut retenir, il est permis de continuer le jeûne jusqu'à Sahar, pour celui qui le veut, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la nuit, avant le lever, il doit manger avant le lever de l'aube du 2e jour. Thalithan, كمال الشريعة الإسلامية بإعطاء النفس حقها المادي والتعبدي. La troisième leçon, la législation musulmane est une législation qui est complète. Il donne au corps son besoin matériel et aussi son droit à l'adoration. Rabi'an, hirsu as-sahabati radiyallahu anhum ala al-khayr wa ta'assi bin nabi sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième leçon à retenir ici, le désir ardent des nobles compagnons radiyallahu alayhim du bien. Ils désirent d'une façon ardente le bien. Et le désir ardent pour suivre le messager alayhi salatu wassalam pour l'imiter. Ils ont un fort désir à imiter le messager alayhi salatu wassalam. La cinquième, أن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل على خصوصية الحكم به. La cinquième leçon, à la base, c'est le suivi du prophète alayhi salatu wassalam qui prime, tant qu'on n'a pas une preuve qui spécifie que le statut lui spécifique seulement. Hein? À la base, C'est le suivi du prophète alayhi salatu wasalam qui prime et qui prend le dessus. Tant qu'on n'a pas une preuve qui spécifie que le statut, hein, est réservé tout simplement au prophète alayhi salatu wasalam, il est spécifique au prophète alayhi salatu wasalam. Sadisan, jawaz al-wisal li nabi sallallahu alayhi wasallam duna ummati. La sixième leçon, la permission au prophète alayhi salatu wasalam de faire des jeûnes continus et pas à sa communauté. Il est permis à Rasul sallallahu alayhi wasallam, il n'est pas permis à la communauté. C'est l'une de ses spécificités alayhi salatu wasalam. Sabi'an, الحكمة في التشريع حيث لا يخصص أحد بحكم الله لمعنى يقتضيه. La septième leçon, la sagesse est le but de la législation car le statut spécifique à quelqu'un ne l'est pas pour des raisons, ne l'est que pour des raisons qui impliquent cela. Que, hein, la sagesse est le but dans la législation, le but est la sagesse dans la législation. C'est que le statut spécifique à quelqu'un ne l'est que pour des raisons qui impliquent cela. Qui impliquent que le statut lui soit spécifiquement, hein, il lui soit tout simplement pour lui, spécifiquement pour lui. Taminan, husnu ta'limi nabi sallallahu alayhi wa sallam, haytu bayyana lis sahabati sababa al-farq baynahu wa baynahum liyazdatu tum'aninatan fil hukm. La huitième leçon, la bonne manière dans l'éducation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a montré aux compagnons la différence qu'il y a entre eux et lui, pour qu'ils soient apaisés par le statut. Vous voyez? Comment le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment il éduque, comment il enseigne, pour que les compagnons soient apaisés, il leur a dit le pourquoi et le comment de la différence entre lui et eux concernant le wisal, concernant les jeûnes continus. يقول الشيخ تنبيه قول المؤلف رحمه الله ولمسلم عن أبي سعيد الخدري إلى آخره هذا في صحيح البخاري ولم أره في مسلم فلعله سبقة قلم من المؤلف. Et il me fait aussi une remarque ici en bas, l'auteur a dit Muslim rapporte d'Abi Saïd al-Khudri. Ce hadith est dans le Bukhari. Je ne l'ai pas trouvé dans Muslim. C'est peut-être une erreur d'écriture de la part de l'auteur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Et on arrête ici. Ici, on est arrivé à la fin du chapitre qu'on a commencé aujourd'hui, dont le titre était le statut du jeûne lors du voyage. As-salallahu al-azim, rabbal arsh al-azim. أن يرحم الشيخ العتيمين رحمة الله عليه أن يرحمه رحمة واسعة وأن يرزقه الفردوس الأعلى وسأله سبحانه وتعالى أن يرحم المؤلف مؤلف عمدة الأحكام رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته سأله سبحانه وتعالى أن فقهنا وإياكم في الدين وأن يرزقنا وإياكم بصيرة في دينه و أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا الوباء سأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين هذا الوباء سأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عن المسلمين هذا الوباء إنه ولي ذلك والقادر عليه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا